Tu t'appelles Thomas et tout le monde t'appelle Tom, Tommy et parfois même Tomate. À Pâques, comment s'appellera ton œuf en chocolat, Jeff de Bruges ? Eh oui, avec Jeff de Bruges, on peut faire inscrire gratuitement son prénom ou son surnom sur un délicieux œuf en chocolat. À partir de 13 euros l'œuf de Pâques personnalisé. Jeff de Bruges, le plaisir a un nom et un prénom. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, ici au festival Seribania, la série britannique The Crown, ou la royauté selon Netflix. Bien sûr, la plateforme américaine de programme prend ses aises avec la réalité historique au nom des impératifs scénaristiques. Nombre de journalistes turiféraires de la couronne l'ont dit. Le spectateur, alors averti et consentant, peut ainsi goûter aux délices d'une série marquée avant tout par l'élégance, sa première qualité. Une série qui, de surcroît, ne se borne pas à raconter la vie à Buckingham, mais qui nous montre 60 ans de vie politique britannique, notamment dans les séquences qui mettent en scène les entretiens de la reine avec les premiers ministres successifs de son pays, de Winston Churchill jusqu'à Tony Blair, en passant évidemment par le drame shakespearien de l'affaire Diana. Par ici la bonne affaire pour la série. Alors, comment est-elle née, cette série britannique jusqu'au bout des ongles ? Qui en a eu l'idée ? Quelle est la part de fiction et la part de réalité ? Quel a été le regard de la famille royale sur cette tragicomédie en forme d'autoportrait ? C'est l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Notre invitée ici à Lille, Laurence Herzberg, directrice générale du festival Seribania. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Juliette Proutot, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Nous ne sommes pas à Paris, mais c'est tout comme. Nous ne sommes pas non plus à la fin des années 90, mais là aussi, c'est tout comme. Après tout, les kiosques à journaux verts typiques de la capitale sont bien installés sur la petite place bordée d'arbres. On y voit des publicités en français. Il y a notamment une grande affiche collée sur une colonne Maurice qui annonce la représentation de l'opéra Carmen dès le 5 juin 1997 au Théâtre du Palais Royal de Paris. Voilà, c'est tout comme... Mais c'est tout faux. Nous sommes en réalité le 8 septembre 2022 à Barcelone, dans les jardinets du quartier de Gracia, ouvrier, très catalan, indépendantiste, et qui s'est beaucoup gentrifié. Mais depuis quelques semaines, le petit square, bien connu des habitués, fourmis d'ouvriers, de techniciens porteurs d'une sacrée mission, nous faire croire que Barcelone en 2022, c'est Paris en 1997. Reconnaissons que grâce aux soins apportés aux détails, grâce au réalisme des décors, le résultat est stupéfiant. La magie du cinéma, comme on dit. Alors, où sommes-nous ? Là où le réel convole en juste noce avec la fiction. Eh bien, nous sommes sur le tournage de la sixième et dernière saison de la série phare de Netflix, The Crown. Pour celles et ceux qui vivraient dans une grotte, The Crown, c'est ça. This new Elizabethan age comes at a time when mankind stands on the edge of catastrophe. You're my wife or my queen. Puis-je vous suggérer de ne plus être chef de l'Église un instant, ni chef de l'État, ni chef de l'armée, ni chef de la marine ou du gouvernement, ni garant de la justice ou de toute cette espèce de cirque. Et être quoi à la place ? Une chose qui vit et qui respire, une femme, une sœur, une fille, une épouse. Ni penser, ni ressentir, ni respirer, ni exister, c'est le mieux. Mais qu'est-ce qu'il me reste ? Vous m'avez pris ma carrière, vous me prenez ma maison, et maintenant, vous me prenez mon nom. Je pensais que nous étions d'accord tous les deux. Je l'ai vu, ce petit regard entre vous. Personne ne doit savoir. Oh, Margaret. Quand on est dans cette famille, on ne sait jamais si on en fait partie. Mais quand on en est exclu, ça ne fait aucun doute. On en est exclu. Vous n'avez pas réussi à me protéger. Je ne pourrai pas vous protéger non plus. Une série a priori historique lancée en novembre 2016 qui retrace donc le règne d'Elisabeth II. Une reconstitution minutieuse qui raconte les coulisses de l'institution royale et la vie politique britannique. Une série qui interroge la légitimité de la monarchie et qui questionne le corps de la reine en tant qu'incarnation de la couronne. Une série qui filme la solitude d'une femme, la survivance d'un monde. Une série devenue un classique qui a obtenu tous les prix, tous, à plusieurs reprises. Emmy Awards, Golden Globes, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure réalisation, meilleur scénario et évidemment, meilleure série. Et voilà donc le tournage de la sixième et dernière saison à Barcelone, ce jeudi 8 septembre 2022. Mais alors que l'équipe du tournage se met en place, que les comédiens commencent à répéter leurs scènes, la nouvelle tombe sur France Inter. L'information interrompt l'émission de Fabienne Sintès. La reine Elisabeth est morte, c'est Buckingham qui l'a annoncé maintenant il y a deux petites minutes seulement. Vous savez que depuis le début de cette journée, beaucoup d'inquiétudes étaient là en Angleterre. On avait annoncé que sa santé était extrêmement fragile. On avait vu l'ensemble de la famille royale venir vers Balmoral où est la reine depuis l'été d'ailleurs. Et la nouvelle désormais est officielle. La reine Elisabeth II est morte. C'est la fin de 70 ans de règne et nous sommes en édition spéciale. À l'image du reste du monde, l'équipe presque entièrement britannique de The Crown est sous choc. Voilà que la réalité percute la fiction, et tellement brutalement. Alors, le tournage de The Crown s'arrête le jour même, et pour plusieurs semaines. Peter Morgan, showrunner de la série, déclare « The Crown est une lettre d'amour à la reine, et je n'ai rien à ajouter pour le moment, si ce n'est... mon silence et mon respect. » Et c'est intéressant de constater que la magie du cinéma ne résiste pas à un tel événement. Ne résiste pas à la mort bien réelle, cette fois, de son personnage principal. Mais si l'incarnation de la monarchie vient de mourir, The Crown, elle, perdure. Et dans la vie des Britanniques, et dans la fiction de Peter Morgan. D'ailleurs, au-delà de ses qualités narratives et esthétiques, le succès inouï de la série repose d'abord sur deux mots, un nom, Peter Morgan. Pour comprendre la série The Crown, il faut comprendre d'où elle vient. Autrement dit, se pencher sur l'esprit de l'homme qui la crée, ce Peter Morgan, connu comme le loup blanc dans le monde de la fiction, des séries comme du cinéma. Producteur, réalisateur, scénariste... cet Anglais de 61 ans est ce qu'on pourrait appeler une star du milieu. Et ce qui le distingue de ses collègues, c'est son obsession, la monarchie britannique. Déjà d'un point de vue personnel, monsieur a été marié pendant 20 ans à une princesse, une vraie princesse. Lila Schwarzenberg, née son Altesse Royale, Anna Carolina sous Schwarzenberg, à Vienne. Et Mr. Morgan reçoit en 2016, l'année où sort la première saison de The Crown, tiens donc... la médaille de commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, des mains même du prince Charles. Et puis, il suffit de lire son CV long comme le bras. Il a écrit le scénario d'un téléfilm intitulé Henri VIII, de deux téléfilms titrés Le Deal et The Special Relationship, autour de Tony Blair. Réalisateur également du film Deux Sœurs pour un Roi, autour d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, et surtout d'un film plusieurs fois nommé aux Oscars, sorti en 2006, The Queen, avec Helen Mirren dans le rôle-titre. La princesse de Galles est morte des suites d'un accident de voiture à Paris. Bonsoir, Majesté. Pardon de vous déranger. La princesse de Galles. Quoi ? Qu'a-t-elle encore fait ? Le Premier ministre, Tony Blair, s'apprête à faire une déclaration. Elle était la princesse du peuple. Et c'est ainsi qu'elle demeurera, à tout jamais. La reine et la famille royale sont à Balmoral. Leur absence protocolaire a été vivement critiquée. Aucun membre de la famille royale ne s'exprimera au public. On lui a enseigné que c'est par la volonté de Dieu qu'elle est ce qu'elle est. Un changement s'est produit. Un bouleversement des valeurs. Vous êtes la souveraine, le chef de l'État. On n'a rien à vous dicter. Dans ce film qui retrace les jours qui ont suivi la mort de la princesse Diana, on retrouve certains éléments caractéristiques qui ont fait de The Crown un succès. L'utilisation d'images d'archives réelles, la reconstitution de certaines d'entre elles avec les acteurs du film et surtout, un regard anglais sur les liens qui unissent la royauté avec les médias, la télévision en particulier. Quelques années après le film The Queen, en 2013, Peter Morgan poursuit et approfondit son exploration du monde monarchique avec une pièce de théâtre intitulée The Audience. Un grand succès critique qui s'articule autour des rendez-vous hebdomadaires de la reine avec ses premiers ministres, imaginant les échanges d'Elisabeth II avec Winston Churchill ou Tony Blair, et bien sûr, Margaret Thatcher. Votre Majesté, Madame le Premier ministre, avant de venir aujourd'hui, j'ai vérifié auprès du cabinet et il s'avère que dans les 7 années où j'ai été Premier ministre, on a eu 133 audiences. Toujours un modèle de cordialité, de productivité et de respect mutuel. Donc, dans un tel contexte, c'est peut-être normal qu'il y ait exceptionnellement un moment de conflit. J'avais l'impression que Sa Majesté n'exprimait jamais ses opinions politiques en public. Je ne le fais pas. Qu'il y avait un code inviolable de silence entre la souveraine et le Premier ministre. Oui, il existe. Et je dois dire que je ne l'ai jamais trahi en 34 ans de règne. Jusqu'à maintenant. Peter Morgan a donc consacré la majeure partie de sa vie professionnelle à étudier, analyser, scruter, imaginer la famille royale, la reine en premier lieu. L'homme s'est pourtant longtemps considéré comme un anti-monarchiste. Mais dans une interview donnée en 2017, il explique être devenu royaliste en réalisant petit à petit que la famille royale n'avait aucun pouvoir. Au-delà de l'expérience, des connaissances multiples et précieuses que le scénariste a recueillies tout au long de sa carrière, c'est précisément parce que l'intérêt de Peter Morgan est intime, personnel et quelque part absolu que la série est hors du commun. Car The Crown est loin d'être la première fiction dédiée à la couronne, loin s'en faut. Les fictions sur la monarchie sont aussi vieilles que Shakespeare. Dans un article paru sur le site de France Culture en 2019, l'historien Johannes de Roat confirme. Les fictions sur la monarchie britannique remontent à Shakespeare. À cette époque déjà, il y avait un goût pour la fiction qui mettait en scène le roi. Chez Shakespeare, il y a évidemment une réflexion politique autour du pouvoir qui n'est pas nécessairement prédominante dans les séries ou les films qui mettent en avant la fonction soap opera, c'est-à-dire les intrigues interpersonnelles, les questions d'amour, de mariage, de famille. L'histoire permet de mettre en scène ce type d'intrigue, c'est le parfum d'évasion d'une époque. C'est donc une tradition très ancienne, et c'est presque devenu un genre à part entière. Dès le début des années 70, sur la BBC, il y a eu des fictions britanniques et américaines sur la monarchie, qui ont cumulé beaucoup d'audience. Ce n'est donc pas le sujet de la série qui fait la particularité de The Crown, mais bien la façon dont il est abordé. Et s'il y a bien un point qui distingue la série de Peter Morgan du reste des fictions consacrées à la royauté britannique, c'est l'argent. Parce que The Crown, c'est d'abord une histoire de moyens, de chiffres. Et les chiffres sont hallucinants. Entre 130 et 140 millions d'euros par saison pour 10 épisodes, c'est l'une des séries les plus chères produites par Netflix. D'ailleurs, le montant du budget de la première saison est supérieur au montant de l'allocation reçue par la reine elle-même en 2016, soit l'année de la sortie de la série. Certains épisodes ont même coûté plus cher que ceux de Game of Thrones. Or, The Crown n'est pas une série homérique. Pas de dragons à créer ou autres effets spéciaux sensationnels, non. Il ne s'agit pas d'une épopée fantastique. On ne trouve pas de scènes de bataille mémorables avec des milliers de figurants. Non, avec The Crown, tout est dans les détails. Et tout le budget va dans les détails. C'est ce qui fait la qualité des reconstitutions, dans le soin apporté au décor, aux costumes, aux uniformes. Pour avoir une idée du degré de précision proposé par la série, prenons par exemple l'épisode 3 de la saison 3, intitulé Abe Fan. Cet épisode relate la catastrophe qui a touché le village qui porte ce nom et qui a fait plus d'une centaine de morts. La reine finit par rendre visite aux habitants, y passe quelques heures, puis repart en avion le soir même. Pendant cette courte scène, on voit la reine devant un hublot en train de parler avec son secrétaire particulier. Le duc d'Édimbourg a dit qu'ils avaient chanté un hymne local à l'enterrement des enfants. Oui, madame. Serait-il possible que je l'écoute ? Nous pouvons certainement trouver un enregistrement. Et demander au Premier ministre de venir me voir, aussitôt que possible. Oui, madame. Quand on regarde cette scène, on ne fait pas attention au paysage qui défile en arrière-plan à travers le hublot derrière la reine. Non, on le regarde sans le voir. C'est loin d'être un élément important de la scène. Mais ces quelques secondes de paysage aérien, un peu flou, un peu sombre, ont donné lieu à des dizaines de questions, des heures de travail. Charlotte Higgins, journaliste du Guardian, a assisté aux réunions. Elle raconte : est-ce que les nuages filent à la bonne vitesse ? Est-ce que le terril pourrait être un peu mieux défini pour ressembler davantage à un terril ? Faut-il ajouter un village supplémentaire en arrière-plan ou davantage de lumière qui scintille ? Dans cette science du détail, retenons par exemple ce pansement qui entoure l'un des orteils de la reine dans la dernière saison et qui la renvoie au commun des mortels, elle à qui même les membres de sa famille s'adressent comme on s'adresse à une divinité. Quel éclairage ! Voilà donc comment est fabriqué The Crown. Des dizaines de personnes, des centaines d'heures de travail, parfois pour quelques secondes d'arrière-plan. Toujours dans la saison 3, quand Peter Morgan organise les funérailles de Winston Churchill, 300 acteurs en uniforme militaire de l'époque et autant de techniciens sont présents. L'ordre de cérémonie mis en scène dans la série est une reproduction exacte de l'enterrement de l'ancien Premier ministre. Dernier exemple, la fameuse robe de mariée de Diana, parce qu'il a la vraie et la fausse, évidemment. Eh bien, la construction de la fosse, de la série donc, a demandé autant d'heures de travail que celle de la vraie, oui, celle qu'a portée Diana. Mais à vouloir trop bien faire, on en oublierait presque que The Crown n'est pas un documentaire, mais bien une fiction. Et ça peut gêner de ne pas savoir à quel saint se vouer. Surtout quand il s'agit d'une matière vivante, d'une institution aussi puissante et politique que la couronne britannique. Thank you. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la série The Crown. France Inter. Affaires Sensibles. The Crown, c'est aussi une ambiance, une atmosphère digne de celle des tableaux de Gainsborough, le tout servi par une langue anglaise, parlée par les acteurs avec une élégance folle. Cette série transpire l'esprit british par tous les pores de sa peau. Voici maintenant ce qu'en pense le vrai prince Harry, dans une interview accordée à James Corden en 2021. Qu'est-ce que vous pensez de The Crown ? Il ne prétend pas faire de l'information, c'est de la fiction. Mais c'est vrai que c'est vaguement basé sur un fond de vérité. Évidemment, ça ne colle pas strictement avec la réalité, mais ça vous donne une vague idée du mode de vie, de la pression de placer le devoir et le service au-dessus de la famille, de tout le reste, et ce qui peut découler de ça. Je suis bien plus à l'aise avec The Crown que je ne le suis quand je vois les histoires qui sont écrites sur ma famille, ma femme ou moi-même dans la presse. Parce que c'est évidemment de la fiction, vous le prenez comme vous voulez. Alors que quand c'est dans la presse, c'est rapporté en tant qu'information. Et j'ai un vrai problème avec ça. Si le prince Harry a exprimé publiquement son avis sur la série royale, ce n'est pas le cas du reste de la famille. Alors que le monde entier se meurt de savoir ce qu'en pensent les principaux intéressés, le chargé de communication de la reine coupe court à toute rumeur. En 2021, il fit publier dans le Guardian la déclaration suivante. La famille royale n'a jamais accepté de mettre un veto d'approuver le contenu de la série, n'a jamais demandé à savoir quel sujet serait abordé et n'exprimera jamais son point de vue sur la fidélité de la série. Fermez le banc. Or, l'avis de la firme, comme on appelle la famille royale, est particulièrement important pour la série The Crown. En ce sens qu'il peut légitimer ou non la véracité des histoires, des propos présentés dans la série. Rien d'étonnant que cette question ait déclenché toutes ces polémiques qui ont entouré The Crown dès sa sortie en 2016. Des questionnements qui s'amplifient à mesure que la série avance dans le temps et se met à retracer l'histoire récente. The Crown est présenté par Netflix comme un drama, selon l'expression anglaise, c'est-à-dire une fiction inspirée de faits réels, selon la formule consacrée. Fiction, c'est un terme qui vient du latin fictio, qu'on peut entendre comme l'action de façonner, l'action de feindre. Mais de par la nature du sujet et du système narratif choisi, The Crown n'est pas simplement une fiction. Certains chercheurs en parlent comme une fiction et médiation politique, ou d'un divertissement de fiction historique. D'autres parlent plutôt de fiction réaliste. Et puis, il y en a de plus véhéments, à l'image de Simon Jenkins, du Guardian, qui qualifie la série d'histoire faussée, d'un détournement de réalité et d'un abus hypocrite de la liberté artistique. Geoffrey Rickham, co-auteur du livre intitulé « The Crown, le vrai du faux » paru en 2020, résume cette controverse au micro de Céline Bédarcourt pour France Info. La saison 1 montre une Margaret jalouse de sa sœur la reine. C'était le cas ? Alors pas vraiment, Margaret était très bien où elle était. C'est vrai que c'était une personne qui aimait bien faire la fête. Et Margaret était très contente d'être la numéro 2 et de pouvoir vivre un peu sa vie comme elle voulait. Margaret qui, quelques années plus tard, aurait échangé un baiser avec le président américain Lyndon Johnson au cours d'un dîner à la Maison Blanche. Ça semble complètement dingue. Alors ça, pour moi, c'est justement c'est un des événements les plus choquants parce que dans cet épisode-là, alors juste pour rappeler, hein, c'est l'Angleterre est au bord de la faillite, ils veulent faire un prêt pour le FMI. Pour ça, ils ont besoin de l'accord du président Johnson. Et donc la reine va demander à sa sœur d'aller aux États-Unis, de faire un peu la fête, et Johnson serait content. Et comme ça, il va signer l'accord. Seul problème, en réalité, l'accord a été déjà signé 2 mois avant le voyage de Margaret. C'est resté en tout bien tout honneur. En tout bien, tout honneur, et aucun baiser, aucun baiser. Mais les liaisons de Philippe, c'est vrai ou c'est inventé pour la série ? Ah bah alors là, c'est un des plus gros problèmes, parce qu'il n'y a aucune preuve de ces liaisons, justement, qu'un ostéopathe, Stephen Ward, aurait invité Philippe à des petites sauteries, on va dire. Il n'y a vraiment aucune preuve. Des rumeurs, hein. Des rumeurs, il y a quand même eu des rumeurs, mais sans preuve. Alors que la série le montre comme un fait avéré, et la série se veut quand même assez biographique. Le vrai et le vraisemblable, telle est l'ambiguïté sur laquelle joue The Crown, mais qui constitue un problème politique. Ainsi, en 2020. Le secrétaire d'État à la culture britannique demande-t-il à Netflix de préciser explicitement et au début de chaque épisode qu'il s'agit bien d'une fiction. Car le risque est grand, selon lui, qu'une génération de téléspectateurs qui n'a pas vécu ces événements puisse prendre la fiction pour des faits. La chercheuse Sandra Logier, dans son essai intitulé « The Crown », série méta-télévisée, explique ainsi que, de la même façon, la réalité politique du XXIe siècle est affectée par l'arrière-plan esthétique des images du 11 septembre 2001. Eh bien, la série « The Crown » détermine désormais l'expérience et la connaissance que nous avons de la reine Elisabeth. Autrement dit, les livres d'histoire peuvent aller se rhabiller. Dans ces conditions, quelles sont les responsabilités des créateurs de la série ? Dès lors que The Crown devient, notamment pour les plus jeunes, l'unique source d'information, la représentation de la monarchie la plus partagée, la plus virale. Questionnement auquel Netflix répond de façon très nette. Nous n'estimons pas qu'un avertissement est nécessaire et nous ne prévoyons pas d'en mettre un en place. Dont acte. Pourtant, la façon dont les gens appréhendent la série a bien des conséquences directes dans la réalité. Quid par exemple de l'assaut numérique ? J'évoque là la pluie d'injures subie par Camilla Parker Bowles sur les réseaux sociaux lors de la sortie de la saison 4 de la série, saison qui expose, en la romançant, sa liaison avec le prince Charles. Si vous m'aimez comme vous le dites, monsieur, il vous faut abandonner l'idée de rompre avec Diana. Pourquoi ? Ne voulez-vous pas qu'on soit libre de vivre notre vie ouvertement ? J'aimerais, mais je ne veux pas être humiliée, encore moins attaquée. Et c'est ce qui arrivera si vous me lancez dans un concours de popularité contre elle. Je vais perdre. Oh. Je suis une vieille femme. Je suis une femme mariée, loin d'être aussi jolie, loin d'être aussi radieuse. C'est ça que les gens veulent, un conte de fées. S'ils connaissaient la vérité des sentiments que nous partageons, ils l'auraient leur conte de fées. Non ! Pour être le personnage principal d'un conte de fées, il doit d'abord vous être fait du mal. Une victime, c'est ce qu'elle serait si nous rendions notre histoire officielle. Elle sera toujours victorieuse dans le cœur de l'opinion publique. Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? Qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui ? C'est la réalité, monsieur. Elle est la princesse de Galles. Elle est la prochaine reine, la mère du prochain roi. Et je ne suis que... mon amour véritable. Que sait-on, d'un point de vue factuel, de ce qui s'est passé ou non entre Charles et Camilla, hein ? De ce qu'ils se sont dit, exactement. Rien, bien sûr. C'est de l'ordre de l'intimité. Et pourtant... la version peu flatteuse de leur histoire, telle qu'elle est proposée par une série de fiction, a modifié concrètement l'image que de nombreux téléspectateurs se faisaient de celle qui est désormais leur reine. En revanche, pour Peter Morgan, la question ne se pose pas en ces termes. Son travail, explique-t-il, consiste simplement à remplir les espaces qui existent entre deux informations connues. Il crée un récit et donc une fiction à l'intérieur, tout en reliant des événements qui ont existé et qui sont souvent représentés à travers de vraies archives ou d'archives reconstituées avec les acteurs. Bien. Mais le temps joue contre l'apprenti sorcier. Car plus la série évolue, plus elle s'éloigne des années 50 pour entrer dans les années 90 et 2000, moins il y a de zones d'ombre dans l'imaginaire populaire et scientifique. Et s'il y a moins de zones d'ombre, cela veut dire moins d'espace pour Peter Morgan pour s'exprimer, pour imaginer. À l'image des discussions entre le fantôme de Diana, par exemple, et différents protagonistes de la famille royale, comme ici avec la reine. Vous avez enfin réussi ce que vous vouliez, me mettre moi et cette maison sans dessus-dessous. Regardez ce que vous avez déclenché. Ce n'est rien de moins qu'une révolution. Cela aurait pu être évité. Mais en faisant de moi une ennemie. Je ne parle pas de moi personnellement, mais de ce que je représente. Cela pourrait très bien arriver. La mort tragique de la princesse Diana est un véritable traumatisme pour des millions de gens. Personnellement, je n'avais jamais vu une telle émotion collective. La plupart des personnes autour de moi... ils essaient de vous montrer qui ils sont, ce qu'ils ressentent, ce dont ils ont besoin. Et je sais que cela doit être terrifiant. Mais ça ne devrait pas. C'est bien pour cela que les polémiques les plus importantes concernant la série se sont déclenchées à la sortie des deux dernières saisons qui couvrent les années 1991-2005. The Crown raconte notamment l'arrivée au pouvoir de John Major, puis de Tony Blair, les différents divorces qui ont eu lieu dans la famille royale, et surtout, la trajectoire explosive et dramatique de la princesse Diana. Et les petits arrangements de Peter Morgan avec une réalité si proche de nous ne sont pas passés inaperçus. Dans la saison 5, la scène dans laquelle Charles révèle à Tony Blair qu'il souhaite épouser Camilla. Des foutaises, selon l'ancien Premier ministre, qui estime, dans une lettre ouverte, que ces scènes sont profondément blessantes pour une famille qui pleure toujours la personne même sur laquelle le drame a été fondé. John Major, également, dénonce au Daily Mail le manque de respect envers ceux qui ne sont plus parmi nous, le fait de mettre des mots dans la bouche de ceux qui le sont encore parmi nous, mais qui ne sont pas en mesure de se défendre. Bon, cela dit, on connaît la déférence des premiers ministres britanniques pour la reine, ce que The Crown montre très bien d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, en 2022, au moment de la sortie de la cinquième saison, la plateforme américaine n'a pas pu ignorer les critiques de sensationnalisme trompeur, de voyeurisme qui pleuvent sur la série. Surtout que le Royaume-Uni a perdu sa reine, quelques mois plus tôt. Un contexte particulièrement sensible donc, et qui finit par faire plier Netflix, qui fait désormais figurer sous les bandes-annonces les termes suivants « œuvre dramatique fictive ». Au-delà de la nature de The Crown, de la façon dont elle est qualifiée, dont elle est regardée, il y a un second enjeu crucial qui traverse la série. C'est la question du rapport entre la monarchie et les médias. Bien, sur The Crown, on raconte les coulisses du monde politique et l'intimité de la famille royale, mais l'une des plus grandes réussites de l'œuvre de Peter Morgan réside certainement dans le récit qu'il fait de l'histoire de la télévision à travers le parcours d'une reine dont le règne aurait été télévisuel depuis le premier jour. Comme en témoigne cette archive de 1953. Madame, votre majesté accepte-t-elle de prêter serment ? J'accepte. Voulez-vous promettre et jurer solennellement de gouverner le peuple du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord ? Du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Union de l'Afrique du Sud, du Pakistan et de Ceylan, et de vos possessions dans les autres territoires, de tous ceux qui vous appartiennent selon leurs lois et leurs coutumes. Je promets solennellement de le faire. Jurez-vous de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour maintenir les lois de Dieu et le respect de l'Évangile. Jurez-vous de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour maintenir dans le Royaume-Uni l'Église anglicane établie par la loi. Je promets de faire tout ceci. Il prend la couronne, l'élève, Élisabeth II, et couronnée. La retransmission du couronnement, qui est d'ailleurs présentée à tort comme une idée du prince Philippe, est un événement médiatique fondamental. D'abord pour la télévision, qui prend dès lors une place prépondérante dans la vie des citoyens. Ils seront nombreux à acheter un poste pour assister au couronnement. Mais surtout, c'est un événement médiatique pour Élisabeth II. Car si la reine d'Angleterre n'a jamais semblé partager l'intérêt de son peuple pour les médias et la télé, elle comprend très tôt la place et l'importance de cet objet dans la survivance de la monarchie. Et la série traduit brillamment cette réalité. Si vous faites attention, à quelques exceptions près, absolument tous les épisodes de The Crown contiennent une scène où un membre de la famille royale regarde la télé. Et progressivement, régulièrement, ils se regardent entre eux à travers le poste. La mise en abîme est vertigineuse. Comme dans cet épisode de la saison 3, durant lequel il est question du fameux documentaire censé redorer le blason de la famille royale en montrant leur vie au quotidien. Le personnage de Margaret révèle ce qui lui apparaît comme l'absurdité. Nous sommes filmés en train de regarder la télévision pour que des gens puissent nous regarder, regardant la télévision sur leur propre téléviseur chez eux. Nous allons atteindre de nouvelles profondeurs de la banalité. Que faisons-nous maintenant? Sommes-nous supposés dire quelque chose? Oui. Mais quoi? Quelqu'un nous a préparé un texte. Je crois que ce passage demande à ne pas être écrit d'avance afin de refléter une soirée normale. Cela n'a rien d'une soirée normale. Je peux vous assurer que si c'était une soirée normale, nous serions chacun isolés dans notre triste solitude, chacun dans notre palais. Nous ne serions pas entassés les uns sur les autres comme pour une espèce de Noël cauchemardesque. Hein? Reste l'humour, présent dans cette série. Un humour toujours grinçant. Comme dans cette scène où l'on voit la reine se battre contre son poste de télévision défectueux. Nous sommes au moment de la fameuse Annus Horribilis où rien ne va plus pour la famille royale. Son petit-fils, William, est là, lui dit que cette allée est d'un autre âge, constat difficilement contestable, auquel la reine répond « royal ». Décidément, tout dans ce palais est métaphore. Si The Crown a changé la façon dont la monarchie est perçue, la série de Peter Morgan a aussi libéré pour l'avenir toutes les possibilités pour les médias et la culture en général de raconter la monarchie. Comme le résume le journaliste britannique Mark Lawson pour The Guardian en 2023, ce que The Crown a lancé est très clair. Un changement cataclysmique dans la représentation royale sur scène à l'écran, The Crown a fait sauter les portes du palais. Pour autant, Peter Morgan avait prévenu. L'aventure The Crown ne s'étendra pas après la saison 6 et l'année 2005. Peut-être que le showrunner sait que le tour de force qu'il a réalisé avec cette série fonctionnerait plus difficilement avec la nouvelle génération royale. D'abord, parce que plus la période traitée est récente, plus le public a connaissance des faits et moins la série peut fictionnaliser les événements. Et surtout, parce que William et Harry et Charles, dans une moindre mesure, se sont largement réappropriés la narration de leur histoire. Si les récents scandales politico-people de la famille royale doivent nous apprendre quelque chose, c'est bien ça. À défaut d'être complètement maître de son destin, la jeune génération, les petits-enfants de la reine, compte bien maîtriser le récit qui est fait de leur vie. Thank you. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de la série The Crown, émission Affaires sensibles diffusée à Lille, ici au Théâtre du Nord, dans le cadre du festival Sérimania, dont nous recevons la directrice générale, Laurence Hetzberg. Bonjour. Bonjour. Bien, d'abord, quelles sont, selon vous, les qualités de la série The Crown, dont nous venons de parler pendant 40 minutes? Alors, The Crown, c'est une série extraordinaire, parce que elle s'intéresse à la famille la plus connue au monde. C'est-à-dire que, compte tenu de la longévité de la reine Élisabeth, tout le monde sur la planète a vécu avec la reine Élisabeth. Et, en même temps, on ne connaît que ce que la famille royale veut bien en donner. Là, ce qui est très intéressant, sur un plan notamment professionnel, on est au cœur du monde des séries, comment on va raconter des personnages et, en même temps, comment on va raconter la royauté. Donc on a déjà là deux couches narratives, les personnages que tout le monde connaît ou imagine connaître, et en même temps on va passer comme ça sur 50 ans, 40 ans de royauté. Alors l'une des grandes qualités de la série, c'est le casting. Alors il y a trois reines notamment, ça c'est formidable, on peut avoir sa préférée, hein, mais il y a trois reines. C'est une très belle idée. Quel est le regard que vous portez, vous qui connaissez si bien les séries, sur le jeu des acteurs, le choix des acteurs, jusqu'aux ressemblances physiques? Alors ça a été absolument étonnant. Je connais par exemple très bien Dominique West, que j'ai déjà accueilli. Je n'aurais jamais imaginé, Dominique West, qu'on a commencé à connaître dans The Wire, qu'il allait pouvoir incarner avec autant de réalisme, tout en restant Dominique West, le prince Charles. Il y a quelque chose qui est fondamental aussi, c'est la construction des trois, de la personnalité de la reine Élisabeth à travers les trois comédiennes. Et là, la série a bien évidemment fait connaître Claire Foy, et la comédienne a eu cette intelligence, l'actrice, d'être cette reine un peu en insécurité au départ. Et elle s'est créée ce petit jeu avec son collier de perles. On sait que le collier de perles est emblématique de la reine Élisabeth depuis très longtemps. Et elle avait là cette petite nervosité de tout le temps toucher son collier. C'était une reine jeune. Après, on passe à Olivia Colman, la reine de la maturité. Dans la fleur de l'âge, oui. Dans la fleur de l'âge. Elle a un autre geste absolument emblématique. Chaque fois qu'elle va accueillir le Premier ministre ou un invité, elle se lève et elle lisse sa veste. C'est assez symbolique. Elle est à la fois dans la maturité et puis on lisse. On ne laisse rien paraître. Elles ont toutes comme ça créé quelque chose autour de leur personnage fictif de la reine d'Angleterre. À votre avis, à quel moment les séries sont passées d'un art mineur, en tout cas dans le regard de certains, hein, ça peut l'air que c'est vrai, d'un art mineur à un art majeur? Est-ce qu'il y a eu un point de bascule? Alors, il y a beaucoup quand même l'arrivée d'HBO, qui a changé quand même, l'arrivée aussi, dans une moindre mesure, de Canal. Je vais prendre quelques exemples, parce qu'autrement, on pourrait en parler longuement. The Wire, qui est une série qui, à l'époque, n'a pas été très connue, mais elle est devenue culte, a été une rupture. Ou comme aussi Les Sopranos. Les Sopranos, voilà, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable d'avoir cette analyse du patron de la mafia, son rapport avec sa famille, son rapport avec les psychanalystes. Et une autre, extrêmement intéressante, c'est 24 heures chrono. Alors, 24 heures chrono, c'est une vraie rupture. C'est d'abord une vraie rupture technique dans la manière dont on va narrer un phénomène. C'est la première fois qu'il y a un épisode 24 heures sur une heure à chaque fois. Et puis, c'est l'arrivée aussi d'acteurs du cinéma très connus dans la série. Et la troisième chose, ce qui est extrêmement importante, c'est qu'elle a un rythme absolument incroyable. Oui. Jack Bauer, il a ressuscité deux fois, il a dû tuer 300 personnes. Il n'est jamais mort. Il n'est jamais mort. Et puis, quand même, c'est la première série qui instaure l'idée qu'on pourrait un jour avoir un président noir élu comme président des États-Unis. En cela, et ça a été toujours considéré comme un élément, c'est ça qui est intéressant, c'est une série, mais un élément qui a quelque part favorisé ou infusé l'idée qu'on peut avoir un président noir, d'où plus tard l'élection de Barack Obama. Absolument. Faites l'expérience, lancez dans la conversation entre amis, en famille ou même avec des gens que vous connaissez moins, lancez une conversation sur les séries et vous êtes sûr que la conversation sera totalement animée, que tout le monde aura quelque chose à dire et en plus, contrairement au débat politique, là ce sera consensuel, donc ce sera très sympathique. Ça montre à quel point les séries ont pris une place prépondérante dans nos vies. Est-ce que c'est ce qui explique, parce que je découvre le chiffre et je suis vraiment fasciné, que 85 000 spectateurs sont venus là, à Sérimania, l'an dernier, et je crois que vous faites mieux encore. Ah oui, là, cette année. Merci le public lillois, mais merci le public de la région des Hauts-de-France, on explose les compteurs, on est à 98 000 spectateurs. En fait, la question, elle est très intéressante. Pourquoi ? D'abord parce que les séries, elles racontent le monde. Elles racontent des personnages auxquels on va s'attacher très longtemps et souvent elles ont une couche sociétale avec des choses très intéressantes. Alors pourquoi le succès aussi d'un festival ? C'est que ces séries, généralement, elles sont vues derrière votre écran. On ne va plus parler de séries télé, c'est plus des séries télé. Vous les voyez sur votre téléphone portable, vous les voyez sur votre ordinateur. Et là, vous les voyez sur un grand écran et vous pouvez approcher ceux qui les ont faits. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que les acteurs là, qu'on a accueillis pendant toute une semaine nous ont dit, c'est formidable pour nous qu'il y ait un festival des séries, parce qu'autrement, on ne rencontre jamais les spectateurs. Eh oui. C'est pas comme au cinéma. Et donc, voilà, ce côté vivant d'un festival honore la série, et on est très fiers de le faire. Laurent Zetterberg, il me reste à vous remercier d'abord pour cette interview, et vous remercier pour votre accueil ici pour Affaires Sensibles au festival Sérimania de Lille. Merci. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, The Crown, en public au festival Sérimania à Lille, une émission que vous pouvez retrouver en podcast, bien sûr. Merci à l'équipe technique de Radio France, emmenée par Franck Malabry, avec Olivia Branger, Florent Layani, Thomas Rubin et Patrick Beaulieu. Merci au Théâtre du Nord et à l'équipe d'Amaury Roussel. Merci aux comédiens Marianne Thierry et Florian Westerhoff. Et un très grand merci pour la musique additionnelle, François Cassivio et Nicolas Desmalines au violon. Merci tout le monde.